Et on va passer à quelque chose de... Oh, très bon, ça va partir à 200 km/h, vous allez entendre ça. Ça va partir, ouais, c'est clair. Il est ça. C'est qu'à le dire. C'est quelque chose qu'on vous a déjà fait écouter 2-3 fois, mais vraiment des styles différents, quoi, en fait. C'est Magma avec Christian Vander. Et là, plus précisément, c'est sur l'album Fusion. Il y a ça, et c'est vraiment un pur titre bien funky, et ça va faire une petite, ça va dénoter un petit peu avec ce qu'on va entendre par la suite de Christian Vander aussi, qui n'est pas du tout funky. Quoi. Bah alors on va attacher sa ceinture et on va écouter Magma. Il y a ça sur l'album Fusion. Décollage. We'll be right back. Yes. Christian Vander à la batterie, Didier Lockwood au violon. Excellent. Un superbe album. Ouais, la partie violon déchire. Ouais, déchire. De 81, quoi, en plus. Et donc, ça a pris des rythmes et des belles, quoi. À la et chaîne Connery, quoi. Yes, et Magma qui tourne encore, hein. Donc, pour ceux qui voyagent un peu, là, on a quelques dates. Exactly. À ne pas rater, surtout. À ne pas rater. Donc, yes. La première, c'est en Bretagne, à Rennes, à la salle de la Cité, à 20h30. Donc, ça se passe le 19 novembre. Ouais, et ceux-là, ils vont avoir de la chance parce que c'est à 21€. Ouais, petit prix, c'est clair. Ouais, et c'est pas grand-chose. Par rapport à leur tournée. Et la deuxième date, c'est le 27 janvier, donc Magma sera à Paris, à l'Olympia. À l'Olympia, quoi, énorme. Énorme, salle magique. Et un peu plus dur, quoi, 33€, mais c'est parce que c'est salle magique, justement, en ouais, fait. Ouais, hein. Magique. Ce qui permet d'ailleurs d'enchaîner sur le, sur le morceau d'après. Oh, yes. I'm a black magic woman. Yes, I. It's terrible. Exactement, Carlos Santana. Guitare, hein. Ouais. Ouais. On va aller dans les années 70 et on va aller partir avec Monsieur Santana qui est toujours pas mort, qui nous fait encore des petits trucs, hein, qui a perdu un petit peu. Non, je plaisante. Non, je l'ai vu à Bercy, quoi, mais c'est vrai que... Si, un petit peu, quand même. Il manque, ouais. Ces vieux morceaux manquent, quoi, on peut le dire. Carrément. Mais bon, ce morceau déchire quand même. Exactement, ouais. Parce que c'est le vieux Santana, quoi. Yes. Donc, merci à lui. Merci à lui et merci au Black Magic Woman. Exactly. Thank you. Voilà, l'ancienne, quoi. Ouais, clair. Bon Monsieur Santana. Carlos Santana. Excellent. Et on va revenir sur Magma. Ouais, exactement. Ouais. En fait, Christian Vander qui a formé quelque chose en parallèle de Magma qui s'appelle Offering, en fait. Mmh. Et c'est un petit peu plus magique, on va dire, plus planant. Et là, c'est un très beau morceau qui s'appelle Love in the Darkness. Yes. Les voix et vraiment un petit travail de cymbale, en fait, qui est imperceptible au début, mais c'est ce qui fait la magie du morceau, quoi, en fait. Hein. Et Christian Vander en solo, pour ceux qui le voudront, ça se passera au Trianon le 10 décembre. Yes. Voilà, sous réservation, entre 25 et 28 euros. Ça vaut le coup. Infoline, machin. Exactement. D'ailleurs, nous, notre infoline, on va la rappeler. Mm-hmm, vas-y. 01 39 16 86 47. Et le site de la radio, c'est ? Yes, www.yvelineradio.com. Yes. Et bah, c'est parti pour 10 minutes tranquillou avec un bon voyage, quoi. On va planer, et c'est le moment de préparer tout ce qu'il faut. Yes, c'est parti. Vous êtes en couleur croisée ? Mama, the best, you can't be. Voilà pourquoi on voulait attendre, on était obligé, vraiment le dernier accord magique. Yes. Au bout de 10 minutes, on pouvait attendre 5 secondes. C'est clair. Oh, ça fait du bien, hein. Bon, c'était Love in the Darkness Offering. Et apparemment, ça vous a plu, on a reçu des messages, merci à Philou. Ouais, nous aussi, ça nous plaît l'émission, on va essayer de faire en sorte que ce soit que le début et on va essayer de vous faire partir encore plus loin, c'est clair. Et ce n'est que le début, on va rester dans la guitare, assez rock. Et yes, jazzy, rock, fusion, rock. Fusion jazz est vraiment quelqu'un qui est encore sur scène, on va dire après où est-ce qu'il est en concert, c'est Pat Metheny. Vraiment un fusionneur en fait. Hein. C'est, vous allez voir en plus, là c'est quelque chose qui va être un petit peu speed et qui va nous appeler loin, fast dance. Okay. Fast dance. Et bon, donc, on en reparle juste après alors. On va s'écouter ça gentiment et on va voir qui c'est. excellent, non ? Pat Metheny. Exactement, ou Pat Metheny, ça dépendra du puriste, hein, de la race. Hein. Et on peut dire en fait que là, il va refaire un petit quartet, et il refait un petit quartet avec des tueurs. Michael Brecker au saxophone, qui est un tueur. Christian McBride à la basse, et Antonio Sanchez à la batterie. Yassai. Et on peut les voir en concert, Yassai. Hein. C'est clair, il va tourner, il passera le... Bon, vous avez le temps, on en reparlera d'ici là, de toute façon. Le 3 juin à Paris, au Palais des Congrès, tout simplement. Mais justement, d'ici là, faut faire des économies, quoi. Parce que annonce le prix, quoi. Ouais, entre 45 et 65 euros, donc je pense 65 donc voilà. euros sur place. On fait bien de prévenir les gens, hein, ouais, comme ça le concert il se prépare d'avance, quoi, c'est clair. On va enchaîner sur un autre groupe hein, qu'on pourra pas aller voir au concert, hein, pourra plus, hein, c'est mort. C'est clair, ils sont morts en fait. Et c'est bien dommage, groupe des années 70 de Soul Funk, The Ohio Players. Ils ont commencé dans les années 50 et Ohio Players, pourquoi ? Parce qu'ils viennent de l'Ohio forcément. Et ouais, ouais, trop fort les gars. Et voilà, et pour ceux qui veulent un peu faire travailler leur imagination en écoutant ce morceau, bah sachez que sur tous leurs albums, c'est des créatures de rêve qui apparaissent sur les albums. Donc il y en a un notamment, elle est... une belle femme engluée dans du miel, une autre en tenue de pompier. Enfin, ils ont trippé dans les années 70, c'est ouais, clair. C'était la révolution, sexual revolution. Yes. Et nous, on va s'écouter A Little Soul Party. Yes, get funky, man. Yes. The Ohio Players. Bien groovy ça, c'est cool. Hein. Ouais. Et on va rester dans les groupes mythiques des années 70 en fait là, mais qui est encore dans la fusion en fait. Et on va vous le faire découvrir, une petite découverte couleur croisée, c'est voilà. Weezer Report. Ouais, on vous le rappelle, hein, c'est couleur croisée, on est ensemble jusqu'à minuit. Vous êtes sur Yveline Radio 88.4. On va s'écouter Weezer Report. Ouais, c'est un groupe mythique des années 70 avec des grosses pointures, Wayne Shorter, avec Jaco Pastorius à la basse, Joseph Avilul, et c'est excellent. Donc là, c'est sur un petit titre qui s'appelle Birdland. Et je pense un hommage à Charlie Parker, alors. Ouais, aussi, carrément. Exactement. Ils ont fait beaucoup de choses et on vous fera écouter quelque chose qui s'appelle aussi... Harlequin en fait, et qui a été repris par le même titre sur le même titre par Björk en fait, qu'on écoutera qu'on plus écoutera tard. Exactement, ouais. Et Björk a fait le même titre en fait avec le même début, mais c'est un groupe mythique. On va s'écouter ça à Birdland. Ouais. Yes. Voilà. Weather Report, Birdland. Yes, bien fusion et ça part bien partout, quoi, c'est clair. Et on va rester dans l'hommage à Charlie Parker avec un morceau, une reprise, Now is the Time. Yes. Donc reprise de, du Cora Jazz Trio. Ouais, ceux qui connaissent pas encore, c'est le mélange vraiment entre l'Afrique et l'Occident, quoi. Yes, et ça, c'est à écouter, c'est kiffant, quoi. Ouais, donc ils sont trois. Mmh. Ils sont trois. Il y a Abdoulaye Diabaté au piano, Djeli Moussa Diawara à la kora et Moussa Sissoko à la percu. Yes, donc la kora, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'instrument sénégalais avec des cordes et c'est magique, ça fait transporter, quoi. Surtout quand c'est maîtrisé de la sorte. Et métissé donc avec le piano et les instruments jazzy donc. Et ça, ils ont fait pas mal de dommages jazzy et de standards de jazz. C'est super, quoi, à acheter. Et donc deuxième hommage à Charlie Parker avec Now is the Time. Et juste après, bon, on s'enchaînera l'agenda, les bons plans de la semaine. Ouais, tout ce qu'il y a à faire, quoi. Tranquille. Oui, ça y est. Cora Jazz Trio, Now is the Time. Thank you. the Time. Yes, pour tous ceux qui connaissent le thème, excellent de le réentendre comme ça, quand même, vraiment. Yes, donc reprise hein, de Charlie Parker, on le rappelle. Et bah voilà, c'est l'heure de se faire un petit bon plan agenda. Ouais, à 11h05, là, tranquille. Ouais, tranquillou. Allez, on va prendre le stylo, la petite feuille de papier et se mettre un petit fond musical. Ouais, on va s'écouter bien, on va bien ouvrir ses oreilles. Yes, donc demain soir, c'est férié jeudi, donc demain soir, vous pouvez commencer par aller voir Stanley Beckford, le chanteur de Manteau, donc au centre culturel Paul Bayard à Massy dans le 91 à partir de 20h30 pour un prix de 17€. Ouais, après moi j'ai un anniversaire de Demolisha qui invite Popo Movement pour une nuit dancehall reggae, un peu avec hip-hop aussi, y a pas mal de monde qui sont invités, au Triptyque, qui est dans le 2e arrondissement, métro Bourg, c'est à 20h30, et puis c'est 12€. Yes, sinon, pour les amateurs de Miles Davis, y a son guitariste qui se produit, Mike Stern, et son quartet au New Morning, dans le 10e arrondissement, métro Château d'Eau, à partir de 21h, et pour un prix de 24€. Yes, et jeudi le 11 novembre, on a Munto Bando. Afro, bluesy, jazzy, latino, un bon métissage en fait, au Canal Opus, dans le Paris, c'est le Paris, la capitale, dans le 10e, à 20h, et c'est 10€, ouais, c'est le Paris, yes, ok. Et pour les amateurs de jazz manouche, eh ben, c'est un hommage à Babik Reinhardt, qui se passe au Duc des Lombards, avec entre autres, il y aura David Reinhardt, Noé Reinhardt et Sami Dossa. Donc au Duc des Lombards, ouais, toute la famille. Donc premier arrondissement à 21h pour un prix de 19€. Yes, ça y est. Vendredi le 12 novembre, il y a à l'After des Ogres. En fait, l'After des Ogres, c'est l'After Show 10 ans, en fait, un petit anniversaire. Les Ogres de Barbac. Voilà. Et c'est à l'Élysée Montmartre à partir de 19h. Donc faut vite sortir du taf et y aller, puis sortir 18€. À 20h30, sinon il y a les amateurs de ska avec le Rotterdam Ska Jazz Foundation. Plus les Soul Invaders et des DJ entre autres à l'espace Cordier. Ça se passe dans le 77 au Mets-sur-Seine, donc à 20h30 pour un petit prix de 5€. Ouais, wow, bah ça va, c'est cool, ouais, c'est là. Cool, hein. Ouais. Moi j'ai un petit week-end de la pratique amateur en coordination avec le CRI. Hein, à l'Estaminet. C'est à l'Estaminet, à Magny-les-Hameaux. Donc on balance le plan vu que c'est dans le 78. Ouais, juste à côté de Saint-Quentin. Voilà. Voilà. Yes. Et sinon les Jungle Warriors, c'est du mélange de raga jungle au 3e lieu dans 4e arrondissement à 21h30 et c'est un bon plan gratos. Yes, ça y est. Le samedi, pour tous ceux qui sortent, il y a Natty Dread Sound System et les autres à Porche Fontaine, juste à côté à Versailles, c'est à 19h, donc c'est dans la petite salle au 86 rue Yves Lecause à Porche Fontaine, c'est un petit quartier de Versailles. Vous demandez, c'est coolos, c'est gratos sur réservation en plus. Yes. Ouais, même sans réservation. Ouais, c'est gratos, toi, c'est Natty Dread, c'est Sound System, c'est cool. Yes. À 23h sinon, pour les, ça se passe un peu plus tard, les Love Jungle, Volta et Ouga Bass, Steve Usman, tout ça c'est un mélange de drum and bass. Donc ça se passe au Glazart dans le 19e arrondissement, porte de Pantin, à partir de 23h, et le prix c'est 10€. Sympa le Glazart, ouais. Roy Hargrove, qu'on vous a fait écouter déjà pas mal, et ben on vous le repasse là pour samedi soir au Cap Seine à Aulnay-sous-Bois. Vraiment c'est à aller voir. Allez, c'est bon. À 11€. Surtout pour ce prix-là. Ouais, carrément, c'est donné, donc ça va être blindé, je suis sûr. Ouais. Donc allez-y grave si c'est blindé, quoi. À Cap Seine, à Aulnay-sous-Bois, dans 93 à 21h, franchement, pour 11€, vous allez voir, ça va être du feu. Yes. Et on termine avec dimanche 14 novembre, avec le très gros bon plan aussi. Ouais, genre l'after. L'after. L'after du week-end. L'after du week-end. Après tout ce que vous avez fait. Les Scatalites qui se produisent en petit comité, en cabaret sauvage. Tranquille. Ça. Ouais. Donc, porte de Pantin, toujours 19e arrondissement, toujours à partir de 20h pour le prix de 20€. Et bah, dis donc, il y a de quoi enchaîner ce week-end, que des grosses têtes, que du bon, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. C'est bien ça. En plus de nous écouter jusqu'à minuit, c'est cool. Ouais, tous les mardis soirs. Yes. Alors, on s'écoute du son ou on écoute nos voix là? Eh ben, on est reparti, hein. On repart très fort avec un Headhunters. Exactement, qui est sur l'album The Return of the Headhunters avec monsieur Herbie Hancock au clavier. Et The Headhunters, c'est différent d'Herbie Hancock, mais c'est funky, c'est un gros groupe qui a marqué son temps. Et là, c'est un énorme titre. Hein, c'est Funk Hunter. Ouais, yes. Funk Hunter, en fait. Alors c'est parti, funky. Yes, I. We'll be right back. Funky. Yes, the Funk Hunter. Franchement, avec un Rhodes mysticoïde d'Air Bangkok, franchement, c'est excellent. Yes, ben on va rester un peu dans la funk, mais funk un peu plus rock. Yes, ouais. Avec John Forte, donc à l'origine plutôt artiste hip-hop. Il a collaboré au début avec, il écrivait les chansons des Fugees. Yes. Et puis il a fait un album il y a 2-3 ans qui s'appelle I John. Un peu dans tous les styles, donc on va s'écouter. Ouais, c'est pas mal comme album celui-là en fait. Il est bien tranquille celui-là, il est plutôt rock le morceau qu'on va s'écouter. Ouais, carrément. Il s'appelle Been There, Done That. Yes, I. Et ben voilà quoi, on va s'écouter ça tranquille, vous êtes sur Couleur Croisée. Et on va passer gentiment à une couleur un peu plus différente, avec un début qui a été fusion et assez rock. Là on va arriver sur de nouvelles couleurs. Yes. Alors croisons. Got a story, tell me about it. Oh mama baby, that lady's bound to leave me. The clouds are darkening and the boat don't feel so easy. The water's choppy and it's getting kind of breezy. There's a storm that's brewing and I don't think that she needs me. Honey, I been there, done that. Let me show you where the sun's at. To love to party. When them dark days hit, I suddenly lost everybody. No more phone calls, no more emails, no more plane rides accompanied by fancy females. Honey, I've been there. John Forte, donc carrément rock, hein. C'est ouais, mais l'album, c'est hip hop. Ouais, mais celui-là, il est celui-là pas est, rock. Il est rock. Excuse-moi, c'est clair. Et là, bah, justement, on va changer un peu de style. Ouais, carrément, ouais, ça va nous faire du bien. On va passer sur le raga Maccabi. Ouais, hein. Le bon raga là, avec un pur morceau. En featuring avec une voix féminine que je ne connais pas malheureusement, mais qui est bien intéressante. Bah, tu pourras peut-être la rencontrer un de ces quatre, on verra. Bah, écoute, carrément, ouais. Je te le présenterai. Ouais. Bon, c'est Same Old Story. Oh bah ouais, carrément. Same Old Story, le titre de Maccabi, assez péchu comme d'habitude, Maccabi, ouais, quoi, yes. En fait. Hein. Maccabi, Same Old Story. Yes, I, 88.4, couleur croisée, ce soir, 22h30. Tired of the same old ball. Over my eyes, the wall you want to ball. Not playing your little game. Same old story, better change. A lot of people dead down there, and according to the media, all you can hear it is ethnic cleansing, and the people not care, but it's deeper. Cause the West have economic interest down here, and all of a sudden guns start appear, and nobody knows from where, and they give it to who they want for rule down here. Chaw. Yes, I them cause a problem, and I go on like a them wanna solve them. That colonial system, it a go come back round and haunt them. Time to open our eyes, cause we must realize all the schemes and the lies. You've been hypnotized and you don't realize. Get wise, see through the disguise. The poor, I get poorer. The gap between the rich and the poor, I get wider. Some people, they just want all the power. Exploitation of another is the order. With no fear of the Almighty Father. Them would I never give a penny to a beggar. Never help a man who is dying from hunger. Them only want blunder. America is rich, America got money. Also have a lot of poor and needy. Homeless people, I live on the street, begging for something to eat, chuh. But they'd rather spend billions or reach for the stars to see if there's life on Mars. Get your house in order, clean out your backyard, what fraud? Same old story, same old song. Tired of the same old thing. People like numbers, pawns in a game of chess, doing the hard work for the rest, while some politicians, of who I am not impressed, looking out for their own interest, ask them to help the poor man, they will say yes, in a the ghetto they're gonna invest, but when put to the test, it seemed like they couldn't care less, heartless, heartless, chaw, it's like a record scratch, it's like deja vu, I've heard it all before, and I'm sure you have too, same old story, missing nothing new, I just the same old, old. Point of view, give you with one hand is what they do. Fill your head with bagaboo, and with the other hand, take it away from you. Poor me, poor same you. Maccabi, tranquille, hein, ça. C'est limite, c'est pas trop raga, ça va encore. Franchement, c'est limite reggae dancehall. Ouais, ouais, bien tranquille. Yes, ouais. Morceau qui te met le smile. Exact. Vous êtes toujours sur Couleur Croisée. Voilà, il est 23h25. Ouais. Et là, on va arriver sur un gros morceau. Carrément, un morceau qui est fait pour flyer. En tout cas, le nom, c'est Mahavishnu Orchestra. Avec John McLaughlin, encore un guitariste, mais vraiment là dans les années où ils sont partis tous en Inde, ils sont partis groupe chercher de jazz, ouais. Fusion, ouais jazz fusion, qui est vraiment allé chercher là jazz spirituel, jazz rock spirituel, j'irais dire même vraiment. On peut écouter différents trucs sur les albums, et c'est vraiment assez illuminé quoi, c'est clair. L'album c'est The Inner Mounting Flame. Yes, I. Et le morceau. C'est celui que tu as sous les yeux en fait. Hein. Noonward Race. Voilà, parce que c'est pas moi qui ai les scuds, donc c'est le plus simple comme ça, je trouve. Je pensais que tu l'avais aussi. Bah non, moi je préfère te piéger, c'est cool. Alors on se l'écoute ce petit morceau. Noonward Race. Yes. En tout cas, de la boulette ce truc. We'll be right back. Mahavishnu Orchestra. Voilà, complètement, complètement barré, on peut le dire. Complètement défouillé, dépouillé, ouais, niveau rythmique. Mais il y a pas mal de jazzman qui, là, c'était dans les années 70, tout début 70, il y avait Jan Hammer, McLaughlin, donc, et Billy Cobham. Il y avait Jerry Goodman, Rick Laird aussi, et donc, des gars qui sont un peu calmés par la suite quand ils ont pris la quarantaine, cinquantaine, et ils nous font des trucs de fou maintenant aussi, quoi. Ouais. Mais un peu plus calme, plus sweet. Bah, un autre qui nous fait des trucs de fou aussi, souvent, la plupart du tout le temps même. Ouais, un petit trompettiste. Eric Truffaz, petit, ouais, petit. Ouais, un petit par la taille. Petit par la taille, mais grand par son talent. Exactement, quoi. Yes. Et là, sur son album Mantis, yes. Et ben, en fait, on a monsieur Mounir Troudi à la voix, qui nous a fait un truc excellent, quoi, vraiment. Et là, on va rester dans le rythmique aussi. Hein. Ouais, carrément, rythmique. Parce que là, c'est, on peut dire drum and bass acoustique. Ouais. Moi, je kiffe bien ce genre de truc, quoi. Carrément. Le batteur, c'est un taré, quoi, en fait. En gros, quoi. Et donc, à bien écouter donc, la voix de, qui nous fait partir en Orient, ça fait du bien. Yes. Ça, Eric Truffaz et Mounir Troudi. Macron. ولا من دا الاسود مقروني بالحاجة الاسود مقروني الاسود مقروني انت عند العادي يكيدوني اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي بس Foufaz, Mounir Troudi et Philippe Garcia à la batterie. Hein. Ouais, c'est du lourd. Le bassiste pas mal non plus. Hein. Ouais, carrément. Michel justement. Benita. D'où la drum and bass en fait, trop essentiel. C'est clair. Alors, on va revenir à du son un peu, plus jeune, un peu carrément. Plus français. Avec les Sins Emilia sur leur dernier album qui vient de sortir il y a à peine un mois, Debout les yeux ouverts. Ouais, je l'avais pas encore chopé celui-là, c'est bien que tu me le fasses écouter, c'est parfait. Et là, on va s'écouter un petit morceau tout doux, tout cool. Marlène. Marlène, une reprise de Bertrand Cantat, Noir Désir. Et donc voilà. Et ben voilà, on va se l'écouter alors, dédicace. Ouais, carrément. Donc dédicace. Emilia, ouais, tout dernier, ça change de couleur carrément là. Ça change un peu, ouais. Ouais, carrément, c'est plus du reggae français là. Hein. Mais c'est une reprise, hein. Non, si, sur le reste de l'album, ils ont bien leur style. Ouais, ouais, c'est bon. un peu plus varié que sur les autres albums. Ok, je te fais confiance. Ouais. Voilà. Yes, et on continue avec une dernière nouveauté aussi, Tiken Jah Fakoly, on pouvait pas s'en priver. Ouais, on peut dire maintenant, vu qu'on va enchaîner deux morceaux, qu'il est en concert le 21 janvier à Saint-Ouen, à l'espace 1789 à 20h30. Donc le 21 janvier, commencer à prendre les places parce que ça vaut le coup, quoi. Ouais, toujours présent, Tiken Jah, avec son dernier album Coup de gueule. Mm-hmm. Donc encore une fois, bien engagé, forcément. Yes, et là, on va s'écouter un featuring avec Saramba Kouyaté. Yes, et ça s'appelle Alumay. Ça s'appelle Alumay. Yes, ça. Et c'est parti tout de suite, donc sur son dernier album. Vous êtes sur Couleurs Croisées, on est ensemble jusqu'à minuit. Une vingtaine de minutes. Hélas. Yes. Bon, heureusement, on ne dépassera pas, mais bon, on voudrait bien, quoi. Alumay. Congo ngana masafa wali wilida kibe kasila mu fende ne besila saya nyawa ko masila saya nyabonsi bali nene du sara mawlo ndaji di rube kongo ngana masafa wali wilida la ka de se furu so boteke ka di je lu ma ko to songo ako bada bali simbo ila ya nim fana la saya te rombe ngara lo la dia sabu yo mo ya la Dan Prosserman sur l'album Equal Rights. Yes, sir. Et on va passer à Björk avec Hunter. Yes, c'est bien, c'est parti alors. Tout de suite. Il nous reste 10 minutes d'émission, on en profite. Fire. Hunter. Et là, on va passer à Jimi Hendrix pour se faire plaisir. Ça ouais, et pour se quitter. Ouais, pour se barrer. Et voilà. Parce que c'est barré, justement. Ouais. Et ça a été une bonne soirée avec vous. J'espère que ça a été la même chose pour vous. Voilà, couleur croisée. On se retrouve mardi prochain, 22h minuit. Ouais, comme chaque semaine. Voilà. Alors, soyez présents, nous, on le sera. Yes. Et là, on va se quitter avec Still Raining, Still Dreaming. Justement, pour dreamer un peu. Alors, on vous souhaite une bonne soirée. Et puis... accrochez-vous quand même parce que c'est Jimi Hendrix. Yes, bonne nuit à tous, bonne semaine. N'oubliez pas de bouger un peu sur les concerts, sur la scène. À bientôt. Yes. And getting uptight, just let it groove its own way. Let it drain the worries away.